chouchou, yo pas sa kaga, chérie, yo kari sa kaga, ma zani yo na kolombe la bona ma poti baye, na kende poto se na lota kayo, na zoga kini se ma kari si na yo, yaka poto yambana. Est-ce que y'a pas qui soit qui pour l'imbo et qu'on comme à bouillir? Je veux Dada, je veux Dada Nico, Yantou, Yadé Pelé, Yadé Nobel, Chougourou. Oh, dynamique, Yampia, Posiamai. I'm Bonito. Buenas, amigo Engine. La vamos a poner. Mira, cama.